L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir sur l'antenne de votre radio locale RGB ainsi que sur internet au www.radio-rgb.net. Trois invités en studio pour cette émission. Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise avec qui nous coproduisons cette émission. Bonsoir. Bonsoir. André-Claude Breyer, directrice du CRR, Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise. Bonsoir. Bonsoir José. Antoine Cobès, metteur en scène en résidence. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Prochainement, à l'affiche. Oui, ça vient très vite dans le cours de cette émission à l'affiche avec un événement avec qui nous allons parler en compagnie de nos invités. Il s'agit de l'opéra de Gaetano Donizetti sur un livret de Salvatore Scamarano, je ne sais pas si je le prononce bien à l'italienne, sur une mise en scène de Antoine Cobet et direction musicale d'André-Claude Breyer. Il s'agit de Lucia di Lammermoor. Alors peut-être avant de parler dans le détail de ce spectacle, de cette série de représentations également qui sera annoncée du 19 au 30 mars prochain à Cergy-Pontoise, peut-être évoquer en compagnie de Jean-Joël Le Chaplin ce travail de partenariat et certainement bien plus que ça, de collaboration artistique entre deux institutions, la scène nationale et le CRR, Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, Jean-Joël Le Chaplin. C'est un partenariat important dans la mesure où il rassemble un établissement d'enseignement qui est le conservatoire, dont a priori la vocation n'est pas de monter des spectacles, mais bien de préparer des jeunes à être des artistes pour partie, puisque une partie d'entre eux, évidemment, choisiront cette carrière. Statistiquement, on le sait, et c'est important que ces jeunes gens puissent se rapprocher des structures de création comme est la scène nationale, qui a pour vocation évidemment d'accueillir des artistes professionnels, mais qui aussi doit permettre l'entrée ponctuellement sur des projets spécifiques, l'entrée des jeunes dans des aventures comme celle-ci, qui est assez singulière et qui a son origine dans la détermination qui fut celle et qui est toujours celle d'André-Claude Breyer, la directrice du conservatoire ici présente, pour finalement promouvoir une vie musicale active et une vraie implication dans le réel de la musique pour ces jeunes gens, et de notre volonté à nous de monter des œuvres qui aient cette dimension pédagogique, puisque qu'y a-t-il de plus pédagogique finalement que de monter, de travailler réellement comme font les grands. Quand on est petit, c'est ce qu'on dit, on va faire comme les grands. Et bien là, quand on est étudiant, et bien on fait comme les artistes accomplis. Et puis on réalise avec des grands et des professionnels, de vrais professionnels, un projet qui est une grande aventure tout de même, puisque ça rassemble beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Et c'est pourquoi nous sommes allés chercher l'artiste en résidence qui travaille avec nous depuis quelques années maintenant, Antoine Cobet, qui assure la mise en scène de ce spectacle. Alors, avant d'évoquer en détail Lucia di Lammermoor, l'opéra dont il sera question dans les prochains jours pour l'ensemble du public qui découvrira cette nouvelle création, je voudrais, avec André-Claude Breyer, revenir un petit peu sur cette histoire, cette historique qui existe entre vos deux institutions. Et cette relation n'existe pas d'hier, il faut remonter au début des années 2000, c'est ça déjà ? Non, il faut remonter à 1993 en fait, puisque le premier opéra que nous avons construit avec ce qui s'appelait à l'époque le CAC, je crois, le CAC, c'était un centre d'action culturelle. C'est la première action que nous avons montée en commun, c'était autour de Carmen en 1993, ça fait donc 20 ans. Et il y a eu beaucoup d'opéras de créer. Et il y a eu des partenariats aussi, dans l'histoire de ces opéras, avec le centre d'Anguin, par exemple, qui s'appelait pas le Centre des Arts. On avait, oui. C'est le Centre des Arts. Mais avant, il s'appelait, je ne sais plus autrement, et on avait déjà fait des collaborations. Enfin, c'est une vieille histoire. Peut-être. Le Centre culturel, je crois. Oui. Là, une vieille histoire. Oui, oui. Et alors, une relation et une histoire peut-être plus récente, quoique elle date pour le coup avec l'apostrophe. Ah oui, oui, ça a changé beaucoup les choses, bien sûr. Les institutions ont changé, même s'il y a un travail qui se fait depuis bien longtemps sur le territoire. Les directeurs en changeant, évidemment, l'éthique se transforme aussi. Et c'était un partenariat un petit peu différent. Maintenant, c'est quand même une chose très installée. Et je crois que même, Jean-Joël, tu l'as fait figurer dans le projet du théâtre depuis l'origine. Oui, dans le projet du théâtre. Dans l'idée, effectivement, que quand on parle de croisement d'expérience et de savoir-faire entre deux institutions qui, au départ, n'ont pas forcément le même projet artistique, le même projet culturel, eh bien, il est possible de travailler non seulement ensemble, mais de créer et de produire de telles créations comme celle-ci. Un souvenir comme ça, West Side Story, début des années 2000, Oui, tout à fait. Je ne sais plus l'année en tête 2001, exactement. 2001. Ah, je le sais, c'est bravo. Écrit là. Bon, il y a eu Orphée Érudis, il y a eu La Traviata. Le Barbier de Séville. Et Cosi, voilà. Et maintenant, Lucia. Beaucoup, et maintenant, Lucia. Qu'est-ce qu'on en retient de ces expériences passées? Ah, beaucoup de choses. Ça m'a fait énormément évoluer. D'abord, une confiance en soi que je n'avais pas forcément en arrivant sur ce territoire, puisque bon, j'avais fait beaucoup de choses en direction d'orchestre, mais sur le territoire de Grenoble avant d'arriver ici. Et quand on arrive en région parisienne, qu'on est une toute petite bonne femme qui n'est connue de personne, puisque je suis provinciale, quoi qu'ayant fait mes études à Paris, mais étant partie après ailleurs et ayant poursuivi mes études de direction d'orchestre, en particulier sur Genève. Revenant en région parisienne, il fallait que je fasse mes preuves. C'est un métier, la direction d'orchestre, qui n'est pas du tout féminin. Ça commence un tout petit peu, mais c'est pas encore bien installé dans l'histoire. Et c'est vrai que j'ai vécu cette difficulté. Et j'ai trouvé la confiance, puisqu'on parle de Jean-Joël Le Chapelain, de Jean-Joël, parce que c'est aussi une question de confiance. S'il m'avait pas fait confiance pour le montage d'un opéra, ça n'aurait pas pu marcher, puisque c'est aussi une question de personne. D'ailleurs, il me l'a souvent dit. Il m'a dit, bon, c'est une question de personne. Il se trouve que il y a relativement peu de directeurs qui sont des chefs d'orchestre, enfin qui ont une formation de chef d'orchestre, souvent compositeurs ou instrumentistes, etc. Et il m'a fait confiance. Et ça a donné finalement une montée en puissance et chez moi une montée de confiance en moi. Ça, c'est quand même très important. Il me semble que c'est une base sans laquelle on n'aurait pas pu poursuivre. Et puis après, il y a toute une équipe qui, c'est vrai, soutient très fortement le projet. Bon, il y a l'équipe de l'apostrophe qui a toujours été avec nous et qui a soutenu. C'est dur parce que c'est des projets compliqués, comme l'a dit Jean-Joël, qui réunissent énormément de partenaires. Donc, il faut soutenir sans arrêt. C'est difficile. Mais il y a aussi mon équipe au conservatoire qui s'est engagée complètement dans le projet. C'est aussi difficile puisque ça veut dire que, par exemple, pour les étudiants qui vont participer à un tel projet, bon, il ne faut pas qu'ils aient le moindre examen professionnel pendant l'opéra. Et j'en profite pour dire que ce matin, j'ai eu un vrai bonheur parce que j'ai découvert qu'on a trois de nos étudiants qui sont dans le projet d'orchestre, qui viennent d'être reçus au CNSM. C'est que le début, parce qu'on en a un certain nombre qui passent les CNSM. Concours. Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a deux bassons qui viennent d'être pris, ça y est, ils ont passé les deux concours. On a un jeune chanteur de la production qui va le passer bientôt, je ne sais pas ce que ça va donner. On a une petite violoniste qui sera dans l'orchestre, qui vient de réussir aussi. Bon, ça, c'est des satisfactions par rapport à... C'est gratifiant et valorisant. Ah oui, c'est formidable par rapport au travail qui est fait. Franchement, c'est formidable. Donc, ça aide et ça soutient une institution telle que la nôtre. Premier choix musical qui va nous être proposé par André-Claude Breyère. Vous l'annoncez? Oui, alors c'est un CD qui est ancien. Il a été enregistré en live et c'est Maria Callas qui chante. C'est vrai que, bon, elle est extraordinaire et tout le monde le sait. Et quand on est en train de travailler cette œuvre et qu'on réécoute, c'est encore plus extraordinaire. Mais c'est vrai aussi que vous serez sans doute étonnés parce que c'est une version dirigée par Karajan. La prise de position de Karajan est de rendre très majestueux l'œuvre. Alors, l'orchestre, évidemment, est somptueux. Plus lent dans le rythme. Exactement, José. Tout est plus lent et tout repose sur la richesse de l'orchestre, qui est évidemment fabuleux, mais sur les interprètes, qui sont d'immenses interprètes, comme là, Maria Callas, qui va vous chanter l'air de la folie. C'est beaucoup plus lent que ce qu'on a l'habitude d'entendre, peut-être aussi parce qu'à cette époque-là, alors ça a été enregistré sur scène, hein, pendant que, en live, à cette époque-là, les grandes chanteuses étaient peut-être moins impliquées au niveau scénique, encore que Maria Callas était quelqu'un d'extraordinaire également sur la scène. Mais en tout cas, la vision de cette époque-là, c'était les chanteurs sans trop se préoccuper par ailleurs d'une action plus ou moins rapide, etc. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, des personnes comme Nathalie Dessay qui chante merveilleusement bien Lucia et qui l'a enregistrée il n'y a pas longtemps, je crois que c'est au Met, il y a un an ou deux, elle bouge tout le temps, elle est très active, etc. Là, je pense, Maria Callas, je ne l'ai pas vue, mais j'imagine en l'écoutant chanter qu'elle ne bouge pas beaucoup. Elle est très immobile, très intérieure. Et c'est toute sa voix qui dit tout ce qu'il y a dans cette histoire. Et laissons-nous emporter par le chant de Maria Callas. Maria Callas. Alors, effectivement, tout dans l'émotion. Peut-être aussi une manière d'affirmer ou de confirmer ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on entend de l'opéra. Avant, tout était centré sur la voix, plus que sur le jeu, alors que dans l'évolution de l'opéra, et on va le voir avec le travail qui va être présenté au public à Cergy Pontoise pour ce travail, cette nouvelle création, ce mise en scène par Antoine Cobès, ici présent, on va voir que la voix est essentielle, capitale, incontournable, mais que le travail est aussi sur le jeu, sur l'engagement physique et donc aussi sur une notion de théâtre, osons le mot, ce qui n'a pas toujours été le cas à l'opéra, André-Claude Breyer. Oui, c'est tout à fait le cas. Et le travail qu'a fait Antoine, bien que ce que tu dis là est très juste, malgré tout, je trouve qu'il rejoint complètement l'état d'esprit du travail qui a dû être fait avec Karajan, c'est-à-dire, et puis son metteur en scène, je ne sais pas, je n'ai pas le CD sous les yeux, je ne sais pas exactement dans quel théâtre ça a été enregistré, dans quelles conditions, mais à la Scala, voilà. De Milan. Donc voilà, je trouve que assistant au travail en profondeur, puisque bon, cette semaine par exemple, on est tout le temps ensemble, on regarde ce qui se fait l'un l'autre. Je trouve qu'Antoine a également travaillé sur le concept du son, bien sûr, ça c'est clair, de la musique, mais le concept du sens profond. Et j'ai pas vu encore une fois la mise en scène de la Scala, mais j'imagine volontiers que ça pouvait être quelque chose, une recherche de l'intériorité et une recherche pour donner du sens au personnage. Donc je suis pas du tout choquée ou étonnée. Je suis peut-être étonnée dans le bon sens, parce que c'est pas toujours le cas des metteurs en scène qui touchent à l'opéra. Alors, avant d'aborder le travail qui a été fait par l'un comme par l'autre, pour la mise en scène par Antoine Cobet, pour la direction musicale par André-Claude Breyer, il nous faut évoquer ce qu'est cette œuvre d'abord, puisque c'est une œuvre romantique par excellence. Si on raccourcit les choses pour aider à la compréhension de tous, aimer puis mourir, c'est un peu ça, Antoine Cobet ? Oui, c'est même exactement ça. C'est aimer dans des circonstances difficiles. C'est éternel, cette histoire. Oui, c'est éternel et en même temps extrêmement pointé historiquement. Avec cette vision romantique de l'amour comme l'amour est un chemin vers la mort et ne peut pas être autre chose qu'un chemin vers la mort et un chemin de connaissance donc qui œuvre à l'intérieur de l'être qui va vers l'autre et allant vers l'autre il ne peut pas le rejoindre pour des raisons sociales, politiques, etc. ou bien alors des raisons métaphysiques et il finit en effet par mourir et la mort finit par remplacer l'amour, devenir une image idéale de l'amour c'est par la mort qu'on réalise le véritable amour voilà donc. Resituons l'histoire. Une histoire qui n'est pas seulement une histoire d'amour, puisque il y a derrière tout cela des enjeux réels de pouvoir. Absolument. Entre deux familles qui s'opposent, et ça depuis la nuit des temps. Oui, c'est un peu Roméo et Juliette, hein. Les deux familles qui ne veulent pas entendre parler d'un quelconque rapprochement de leurs enfants, et chaque famille reste sur. Alors il y a une atmosphère extrêmement sanguinaire, extrêmement cruelle, violente, militaire, d'enjeux de pouvoir, de terroir, de pouvoir au sens le plus politique. On apprend comme ça, sans que ce soit bien éclairci, mais qu'il y a une reine qui arrive nouvellement au trône et donc ça va changer les alliances. Donc il faut vite que, pour garder son pouvoir, il faut vite que Lucia se marie, non pas avec son Edgardo de la famille ennemie, mais avec Arturo qui représente un allié potentiel pour le futur et qui va résoudre des problèmes visiblement économiques graves de la famille. Et donc le frère doit absolument faire en sorte que sa sœur se marie avec Arturo et non pas avec Edgardo, qui de surcroît est l'ennemi héréditaire de la famille. Donc la pauvre Lucia se retrouve trouve prise comme ça dans un étau dont elle ne peut pas sortir. Et le seul moyen qu'elle va avoir d'en sortir, c'est ce que nous venons d'entendre, c'est cette scène-là où elle vient de tuer Arturo. C'est la nuit de noces, elle vient de le tuer. Elle apparaît sur le plateau et elle reconstruit sa vie, elle recompose totalement sa vie avec Edgardo, donc l'amant qu'elle n'aura jamais. Elle le reconstruit totalement en inventant une cérémonie de mariage, en inventant une rencontre avec lui, une union avec lui, à travers ce chant qui devient totalement épuré, comme libéré totalement des soucis de la réalité à laquelle elle a dû se confronter. Et voilà. Alors, on est dans l'émotion assurément, déjà dans le jeu étant cette dimension du chant, dans la passion nécessaire, quand on parle d'amour et d'amour impossible, c'est la passion. Elle est plus guerrière que victime dans cette affaire ? Oui, on peut la voir évidemment comme une victime, mais c'est ça qui est intéressant. Puis c'est un peu, ça a été ça, c'est encore ça tous les jours mon travail, que d'essayer que chacune des scènes mettant aux prises le frère et Lucia, par exemple, ne soit pas qu'une expression qui semble naturelle comme ça, ou purement artistique et virtuose à travers le chant, mais que des enjeux généralement assez simples, mais des enjeux réels viennent prendre les deux corps en présence, par exemple, et soient la source de leur chant. Pourquoi est-ce que ces gens-là chantent? Pourquoi est-ce qu'ils parlent pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce qu'ils chantent? Moi, j'essaye de faire en sorte qu'ils chantent parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est nécessaire, et qu'à travers leur chant, ce ne sont pas simplement des notes qui s'égrènent, mais c'est une pensée qui avance, c'est un rapport qui avance, c'est une relation dramatique qui avance, qui a certains points de focalisation, qui prend des virages, qui va d'un côté puis de l'autre, qui épouse diverses couleurs, et que tout cela se construise de façon cohérente sur l'ensemble de l'opéra, que ce ne soit pas une suite d'airs, aussi beau, aussi merveilleux soit-il. Alors, pour la réussite d'un tel projet, certes, il faut un metteur en scène, ce qui est de la volonté, il faut une directrice musicale qui sache se diriger l'ensemble, il faut une partition aussi merveilleuse que celle-ci, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi des interprètes qui éblouissent l'œuvre et la traversent effectivement pour le bien du public. Il faut pour cela, dans le rôle-titre de Lucia, une interprète indispensable qui va être plus que rayonnante, puisque je crois savoir, elle est du début jusqu'à la fin de cet opéra, opéra en trois actes, avec un entracte, pour lui permettre quand même de souffler, me semble-t-il, non ? C'est exactement ça. En fait, d'ailleurs, Antoine avait pensé faire la chose en continu, si je puis dire. Mais il voulait l'épuiser. Oui, mais je comprends bien son idée. Et c'est vrai que ça serait très intéressant. Mais même physiquement et mentalement, c'est pas possible. Pour Lucia, c'est trop dur. Je crois que pour les instrumentistes, ça serait beaucoup trop risqué parce qu'il y a une tension physique qui s'installe. Par exemple, les cordes, etc. Ils ne peuvent pas. Et peut-être même pour le public, d'ailleurs. Donc, on a trouvé tous les deux un endroit qui est vraiment très, très fort, je crois, où on s'arrête, où il y a l'entracte. Et puis, ça repart. Après, c'est exactement à la moitié. C'est au bout d'une heure et il nous restera une deuxième heure à jouer. Dans le rôle-titre, oui. Isabelle Philippe, qui n'est pas méconnue ou inconnue dans le travail que André-Claude Breillat fait depuis des années. Oui. Et je crois savoir qu'elle avait déjà le rôle-titre dans La Traviata. Absolument. C'est une interprète magnifique que nous connaissons en plus depuis très longtemps. Et on avait bien discuté du choix de l'œuvre avec Jean-Joël, puisque là aussi, c'est un... Bien sûr, c'est un enjeu fort de savoir quelle va être l'œuvre choisie. Donc, pourquoi cette œuvre ? Eh bien, parce que il y a d'abord une partie d'orchestre extrêmement intéressante, très fine. Derrière, il y a des solos. Il y a un solo de harpe merveilleux et qui est pour les jeunes harpistes l'occasion de s'exercer. Tous les concours de harpe, de recrutement de harpistes dans les orchestres mettent à l'intérieur de leur concours le solo de harpe de Lucia. Pareil pour la flûte, il y a des solos de violoncelle. Enfin, c'est extrêmement intéressant et fin à l'intérieur de la partition. Et puis, il y a ce rôle fondamental de Lucia. Et très vite, j'avais dit à Jean-Joël, écoute, si toi, Lucia, ça te plaît, et je crois que ça lui plaisait d'emblée, on demande immédiatement à Isabelle, parce que je ne voyais pas d'autre interprète venir chanter ce rôle ici. Et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On va l'écouter dans un instant. Antoine Cobet va nous resituer. C'était pendant une présentation. C'était dans la salle de répétition à l'Apostrophe, il y a de cela quelques jours. Donc, accompagnée au piano par André-Claude Breyer. Elle n'était pas seule au chant. Elle a été rejointe. Antoine va nous resituer la situation. On précise bien, un travail dans la salle de répétition. Autrement dit, ce n'est pas pendant une représentation. Non, c'est accompagné au piano. Et la situation est la suivante. Nous sommes à l'acte 1. C'est la seule scène qui voit se réunir les deux amants, donc Edgardo et Lucia. Edgardo, c'est Juan Carlos Echeverri qui chante. Lucia, c'est donc Isabelle Philippe. Je ne reviens pas sur l'excellence de cette interprète qui a des qualités de comédienne remarquables en même temps. Et donc, c'est d'autant plus intéressant de travailler avec elle et avec l'ensemble de la distribution qui est vraiment remarquable et dans un état d'esprit extrêmement agréable et passionnant d'être avec eux toute la journée. Donc cet extrait, nous sommes à l'acte 1, ils se réunissent, ils savent que ça va être extrêmement difficile pour eux deux de s'unir, et donc ils décident tous les deux, tout seuls devant leur petite fontaine, de s'unir devant Dieu, et pour sceller cette union, s'élève un chant. Edgardo, puis ensemble. Pensare L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. On vient d'entendre Isabelle Philippe dans le rôle de Lucia. C'est une belle soprano lyrique, belle au sens vocal du terme, mais aussi comme d'ailleurs Juan Carlos Echeverri dans le rôle d'Edgardo. Juan Carlos Echeverri, originaire de Colombie, mais avec de nationalité colombienne, mais avec ce nom-là, moi qui ai un faible pour le Pays Basque, je dirais qu'il a aussi certainement des ancêtres basques avec les Echeverri. Avec d'autres solistes à signaler, parce qu'ils sont tous merveilleux, Marco Angioloni, qui est un ténor qui travaille depuis 2 ans au conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, comme c'est le cas de Mayato Ito, soprano, et qui, elle, depuis 3 ans, c'est ça? Oui, oui. Patrice Berger dans le rôle d'Enrico Bariton, Vincent Billier dans le rôle de Raimondo, baryton basse, Jean Vital Petit dans le rôle d'Arturo, ténor, je crois les avoir tous cités. Oui, c'est ça, voilà. Alors peut-être en venir très vite, André-Claude Breyère, au travail qui se fait avec les musiciens, parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais ce travail, c'est aussi une mise en relation entre des professionnels, les solistes qu'on vient d'indiquer pour une majorité d'entre eux, et aussi bien des amateurs au sens où ils sont en cours de formation au conservatoire à rayonnement régional, et ils vont être au final combien à participer à cette création? Ils vont être une soixantaine en ce qui concerne les instrumentistes. Donc, comme à peu près chaque fois que nous préparons un opéra dans ces conditions avec la scène nationale, il y a dedans de très jeunes instrumentistes, mais comme la petite jeune fille qui a 15 ans, je ne sais même pas si elle a encore 15 ans, qui rentre au CNSM là, en violon, les deux jeunes bassonistes qui sont jeunes aussi tous les deux, et puis pas mal de jeunes qui ont en dessous de 18 ans. Ensuite, il y a un bloc de jeunes musiciens qui ont entre 18, 21, 22 ans, qui en général poursuivent des études supérieures ailleurs, mais qui ont déjà un niveau vraiment très conséquent et qui continuent à jouer très régulièrement au conservatoire, autant instrumentalement que au sein de l'orchestre. Et puis quelques, il y a même un adulte, on a un adulte tromboniste qui est adorable, très sympa, c'est le papa d'un étudiant et c'est un musicien, donc il est venu donner un coup de main. Enfin voilà, c'est, je dirais pas hétéroclite parce que c'est pas le mot qui convient, mais en tout cas c'est mélangé, et c'est comme ça que c'est très intéressant, parce que le conglomérat, entre guillemets, est vraiment intéressant. C'est très différent de l'état d'esprit qui peut régner à l'intérieur d'un orchestre de jeunes ou moins jeunes professionnels. On est bien dans une démarche éducative. Tout je à parle fait. De formation musicale. Tout à fait. On n'est pas seulement dans l'artistique, même si, effectivement, quand on est musicien, on est nécessairement dans l'artistique. Bien sûr. Là, il y a aussi un engagement extrêmement fort. Énorme. De ceux qui vont participer à cette aventure. Parce que le travail de répétition, il est dense, intense, et ça se passe sur leur temps de vacances. Oui, il est très lourd ce travail, c'est-à-dire que depuis décembre, en fait, nous avons notre répétition hebdomadaire qui est consacrée à Lucia. Bon, mais ça n'est qu'une répétition hebdomadaire, et bien sûr, entre un mercredi et celui d'après, il y a des choses qui s'en vont. Enfin, c'est plus difficile de travailler comme ça, mais c'est toujours comme ça qu'on travaille chez nous, ce n'est pas sous forme de stage. En revanche, ils s'engagent ensuite pour venir tous les jours sur la semaine, l'une de leurs 2 semaines de vacances, du lundi au dimanche, et de nombreuses heures par jour, pour travailler Lucia avec les chanteurs sous la direction d'Antoine. Et c'est vraiment un engagement lourd. Alors j'ai oublié, mais je répare vite mon oubli, de présenter le travail des choristes, parce que Lucia de la Mer Mort est une œuvre particulière dans le sens où le chœur a une importance considérable. D'ailleurs, Antoine, qui l'a vraiment très bien compris dès le départ, avait intégré tout de suite cette dimension. Et dans le chœur, il y a évidemment une majorité de personnes qui sont vraiment des amateurs, dans le sens fort du terme, qui aiment. Hein. Des amateurs qui souvent travaillent. Certains sont en retraite, d'autres travaillent, ils rentrent très vite, ils se débrouillent, ils prennent leur RTT, etc., au moment du montage de l'opéra. Mais il y a aussi cette année dans le chœur un certain nombre de jeunes chanteurs qui font partie de la classe de chant de Jean-François Rouchon au conservatoire et qui donc ont des voix aussi très travaillées qui vont soutenir très fortement le chœur. C'est également la première fois qu'on arrive à faire ce travail-là. Et on a constitué au conservatoire pour Lucia un chœur spécifique qui répétait. Donc il y a eu un fort engagement également des chanteurs. Ces chanteurs répètent tous les lundis depuis le mois de novembre. Enfin, ils ont eu des répétitions spécifiques pour créer ce groupe qui va être sur scène également longtemps. Et ils ont beaucoup de choses à faire, hein, en plus de chanter. Antoine Cobès, on a entendu jusqu'à présent parler de travail musical, assurément, mais c'est un travail scénique qui est réalisé pour mettre en scène, pour mettre sur scène cette création, cet opéra. Alors, le travail scénique, il consiste en quoi ? Est-ce que c'est quelque chose, somme toute, de très particulier quand on est metteur en scène ? Par ailleurs, vous êtes metteur en scène de théâtre. Vous n'êtes pas un spécialiste de l'opéra, si ? Pas du tout. Pas du tout, c'est la première fois que je monte un opéra. Donc vous voyez, je suis pas du tout un spécialiste. Puis est-on jamais spécialiste de quoi que ce soit quand on est metteur en scène ? Ça, j'en doute un peu. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un espace. L'opéra doit doit vivre sur un espace. L'immense différence entre le théâtre et l'opéra, c'est la suivante. C'est que dans l'opéra, la musique crée le temps. Le temps de la représentation est celui de la musique et du chant. Au théâtre, le temps, c'est moi qui le crée par la mise en scène. Donc la nature de la mise en scène d'opéra est très différente de celle de théâtre dans ce sens-là. Un des éléments constitutifs essentiels du théâtre, c'est le temps théâtral, c'est le casse-tête essentiel de la représentation théâtrale. Cette question-là se pose, mais par la bande et de façon extrêmement différente dans le cadre d'un opéra. Et donc le travail dans l'opéra, me semble-t-il, pour moi en tout cas, là, sur Lucia, puisque c'est ma seule expérience, ce travail, il a d'abord été d'essayer de faire en sorte que toutes les personnes qui sont sur le plateau aient quelque chose réellement à y faire. Ne soient pas illustratives de quelque chose, ne soient pas là pour le décor, ne soient pas là pour faire les chœurs, par exemple. Ça, c'est des choses que j'ai essayé d'écarter de mon esprit et de se dire que les 32 ou 34 personnes qui constituent le chœur, elles ont quelque chose à faire sur le plateau. C'est pas forcément concrètement, elles sont pas là à peler les patates, mais elles ont quelque chose à faire profondément dans leur accompagnement de l'histoire de Lucia, de l'histoire des solistes. Et ils n'ont pas qu'un rôle d'illustration vis-à-vis de cela, mais un rôle d'accompagnement et de témoin. Et c'était important que ces 35 personnes, c'est-à-dire amateurs, comme vient de dire André-Claude, des gens qui aiment ça, soient là et viennent aimer l'opéra, le personnage, le plateau, et l'accompagner du début à la fin, dans l'esprit, du début à la fin, même s'ils sont pas là sur le plateau, du début à la fin, dans leur tête, c'est ce que je leur demande. C'est difficile parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas là simplement pour chanter, ils sont là pour exister, regarder, écouter, beaucoup regarder. Ce qui est une des choses les plus compliquées au théâtre, c'est d'avoir une présence qui peut être tout à fait humble, peu remarquée, mais qui constitue réellement Lucia et Enrico n'existent que sous le regard du chœur et des spectateurs. Et c'est au chœur d'être les premiers spectateurs de Lucia et Enrico, par exemple. Mmh. Et ensuite, ils vont aider le spectateur à mieux regarder Lucia et Enrico. Donc c'est ce travail-là, essentiellement, avec des moyens très simples, que nous essayons de faire, très rapide, parce qu'on a peu de temps. Ça, une des choses constitutives de ce genre de travaux, c'est qu'on a peu de temps, on les voit peu, sont des gens occupés. Certains d'entre eux ont même pris des vacances pour être là un peu beaucoup plus avec nous. Il y en a une petite dizaine, et c'est très important, qui sont là un peu en avant-garde des autres, et puis qui les aideront lorsque les autres vont arriver là, maintenant. Alors, Jean-Joël Le Chaplins, il est clair au regard et surtout à l'écoute de ce qui vient d'être dit que c'est un vrai temps fort dans une saison, à l'apostrophe, à chaque fois que ce type de création peut être réalisé et donc représenté au public. 6 représentations se sont proposées cette fois-ci, les mardis 19 et 26 mars, les jeudis 21 et 28 mars, les samedis 23 et 30 mars. C'est au Théâtre des Louvrais à Pontoise, avec une rencontre qui est prévue avec l'équipe artistique à l'issue du spectacle le 26 mars. Comment ça se passe généralement ? Ah ben les rencontres, c'est assez simple. C'est après la représentation un moment qui est assez difficile, souvent pour les artistes. Enfin, difficile en cela que quand on sort de scène, on n'est pas forcément un peu épuisé, apte tout de suite à faire de grandes discussions. Mais la plupart, enfin tous, ceux à qui on le demande, en tout cas, se prête volontiers au jeu. Et dans une œuvre comme celle-là, où il, en effet, il y a une présence scénique importante et longue, c'est un exercice qui est un vrai choix de la part des artistes qui sont là, mais c'est une rencontre très importante puisque c'est un moment où le public est amené à mieux comprendre l'œuvre qu'on lui propose, à mieux comprendre les processus finalement qui ont conduit au choix. On en a parlé, mais il y a toujours des questions qui reviennent dans ces moments-là sur pourquoi on choisit telle œuvre, par exemple, comment ça se passe le travail, en combien de temps c'est fait. La notion du temps est chez les spectateurs qui interrogent les artistes souvent extrêmement forte, puisque chacun c'est naturel, ne sait pas trop comment tout cela se fait et veut essayer de mieux comprendre le travail. Donc cet échange est extrêmement important pour nous et on en tire toujours, nous à la direction du théâtre et au théâtre, les permanents de l'équipe, beaucoup d'enseignements et je crois que les spectateurs sont très friands aussi de ces rencontres. Et en outre, c'est pouvoir rencontrer des personnalités du genre d'Antoine ou d'Isabelle Philippe et de mieux pénétrer dans ce qu'est leur vie d'artiste qui est malgré tout quand même toujours un peu idéalisée de la part du public et c'est une bonne chose. Mais on ne mesure pas le travail que cela représente et les enjeux, parce que on oublie souvent que lorsqu'on décide une production un an avant sa présentation, on met sur le papier des enjeux et des hypothèses qui se confirment 9 mois ou un an après et qui donc passent par-dessus toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. On crée des équipes de gens qui ne se connaissent pas pour la plupart et on décide que tel jour, à telle heure, nous allons nous rencontrer pour réaliser un projet et qu'on ne le fera pas seul, mais on le fera devant des centaines de personnes. C'est un vrai pari artistique. Et oui, c'est un pari artistique et on a une responsabilité. Et ce qui est formidable dans le spectacle, ça existe dans beaucoup de corporations, évidemment, et dans beaucoup de métiers, mais ce qui est formidable dans le spectacle, c'est cette dimension. C'est-à-dire, c'est le choix d'une date précise et qui mobilise l'ensemble des énergies de tous ceux qui y sont associés et qui mettent le meilleur d'eux-mêmes pour le réaliser. Évidemment, chacune des personnes est impliquée dans ce processus, dans sa personnalité, elle-même ne veut pas rater, mais la dimension collective qui est absolument très forte dans le théâtre prend là toute sa dimension et on voit bien que tout le monde converge pour réaliser le projet et passer par-dessus toutes les difficultés qui ne manquent pas d'arriver à chaque fois qu'on réalise un projet collectif. Cette création sera présentée également dans le cadre du Festival des scènes nationales, l'effet scène. De quoi s'agit-il, Jean-Joël Le Chaplins, sachant que c'est la 3e édition qui donne un coup de projecteur tout particulier sur ces lieux de création que sont les scènes nationales, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les scènes nationales sont héritières de la décentralisation. Alors pour le profane, la décentralisation, c'est le mouvement qui a impulsé à son corps défendant, il y a d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas forcément l'intention d'impulser un tel mouvement, mais bien de faire plutôt une action publique qui était celle d'André Malraux lorsqu'il a créé les maisons de la culture. Et donc sa volonté à lui, c'était de faire en sorte que finalement les habitants de Montélimar, de Bordeaux ou de Carcassonne aient les mêmes possibilités d'accès au spectacle que pouvaient avoir les Parisiens à une époque où la capitale était encore plus importante qu'aujourd'hui par rapport à la centralisation de ces réalisations artistiques. Et donc, il a créé ce qui est devenu ce mouvement de la décentralisation et dont les centres dramatiques et les scènes nationales sont héritières. Ce sont deux types d'institutions qui, en effet, ont pour vocation de défendre la création artistique, de favoriser la diffusion des œuvres qui ont été souvent nationales et qui aujourd'hui sont fortement internationalisées, européennes beaucoup, mais aussi internationalisées, et donc de monter des projets en lien avec les artistes les plus réputés, les plus grands, et avec des liens avec les forces artistiques qui existent sur le plan local. Et donc les scènes nationales ont décidé de donner une lisibilité à ces actions qui sont répandues sur l'ensemble du territoire national. Il y a 71 scènes nationales au moment où on parle, une 72e qui va sortir bientôt des limbes, enfin qui va donc être labellisée. Et sur ces 71, nous sommes 68 à avoir décidé de donner un espace de visibilité de ce travail que nous faisons. C'est du 18 au 24 mars et nous consacrons dans cette période, nous mettons la focale et le coup de projecteur sur un événement. Et l'événement que nous avons choisi, nous, qui correspondait aussi à cette période, c'est évidemment Lucia. On ne pouvait pas rêver mieux puisqu'on met en évidence ici les fondamentaux de notre action, à savoir une création, un travail avec des artistes professionnels de haut niveau, un lien avec les forces vives locales et avec la jeunesse. Et donc, il ne reste plus qu'à attendre le public. Mais ça, c'est prévu pour le 19 mars. L'occasion peut-être aussi également de rappeler que même en période de crise, la culture doit être déclarée toujours prioritaire et non pas comme un simple supplément d'âme, voire une variable d'ajustement budgétaire, je cite. Oui, c'est une des difficultés du moment, puisque évidemment, nous connaissons bien, pour être baignés tous les jours dans ces informations, les difficultés économiques de notre pays et plus généralement de l'Europe occidentale. Mais si les choix des politiques, des hommes et des femmes politiques conduisaient à réduire au-delà du raisonnable les moyens qui sont consacrés à l'art dans ce pays, cela deviendrait extrêmement problématique pour l'avenir même de la société. Que serait une ville comme Cergy-Pontoise sans des propositions artistiques qui permettent à des gens d'aller finalement à la rencontre de ce qu'ils sont, d'où ils viennent, de ce qu'ils ont envie de faire et tout simplement de développer la sensibilité et la culture qui est notre bain quotidien. Et donc c'est de cela dont il s'agit et c'est aussi un avenir de société. On ne peut pas imaginer que l'on puisse concevoir des sociétés dans lesquelles on demande aux citoyens de dormir, de travailler. Donc c'est absolument inconcevable puisque l'avenir d'une société repose énormément sur on a coutume de dire le rêve, mais plus que le rêve, c'est l'avenir d'une société, le destin qu'elle se choisit et qui s'appuie sur des valeurs morales et des valeurs d'art et de culture. Pour élargir, pour se soutenir, pour promouvoir le spectacle vivant, l'effet scène propose aussi à cette occasion des tarifs abonnés pour tous les spectateurs le jeudi 21 mars, avec aussi une autre action, une place achetée, une place offerte avec le pass Télérama sur les dates du 19 et du 21 mars. L'effet scène, c'est aussi ça. C'est le deuxième effet, hein, en quelque sorte. Choix musical, on en revient à une proposition d'André-Claude Breyer avant de passer à la dernière partie de notre émission. Choix musical, André-Claude. Alors, c'est la suite de ce que les auditeurs ont pu entendre par rapport à la version Herbert von Karajan et Maria Callas. Et là, cette fois, il s'agit de la fin de l'opéra. Enfin, vous n'irez peut-être pas jusqu'à la fin, parce que c'est quand même assez long. Les fins d'opéra, les morts des protagonistes ça sont très longues en général. Ça sera un extrait. Oui, alors. Ça sera un extrait. C'est Edgardo et c'est Di Stefano, un ténor extraordinaire qui chante. Il chante son amour. Il va mourir. Il veut mourir. Il veut mourir. Son amour n'est plus là. Et on va écouter cette voix magnifique de ce ténor. Tu que Dio spiega stirali o bella mai innamorata ti rivolgi a me la gata te scendo il tuo fede a sellira dei mortali fece noi si cruda guerra se divisi fumo in terra ne congiunga il lume in cielo bell'alma innamorata bell'alma. Prochainement à l'affiche. Escale danse à l'affiche du 22 mars au 24 avril, un événement qui a été créé déjà il y a quelques années, c'était en l'année 2000, un panorama varié de formes contemporaines de la création chorégraphique. Avec Jean-Joël Le Chapelain, l'histoire d'un réseau qui s'est construit année après année et c'est peut-être l'occasion de nous rappeler le principe de ces escales danses en Val d'Oise. Alors c'est un regroupement de directeurs et de directrices, un directeur un rassemblement de responsables qui ont considéré que rassemblés ils étaient plus forts que tout seuls pour finalement défendre, c'est un terme qu'on utilise souvent, défendre des valeurs artistiques, c'est-à-dire les projets des artistes chorégraphiques là en l'occurrence sur un territoire qui est inégalement pourvu en termes de présence artistique, en termes de lieux susceptibles d'accueillir des spectacles et en termes même de politique publique, puisque selon la nature des villes, leurs dimensions, leurs moyens, évidemment tout cela est assez inégal. Et donc cette idée de rassembler ces moyens de programmateurs, de directeurs de lieux pour donner une lisibilité à un projet chorégraphique s'appuie aussi parce qu'on est toujours à partir de quelque chose, ça ne peut pas naître comme ça ex nihilo de rien, n'est-ce pas, rappelons-nous Pasteur, donc on est dans cette dimension de poursuivre finalement dans ce projet de poursuivre ce qui avait été initié en son temps dans les années 90 par la DIAM du Val d'Oise qui avait rassemblé des forces déjà pour provoquer des échanges entre les lieux. Et donc depuis en effet les années 2000, nous avons un rendez-vous annuel qui s'est assez structuré depuis lors puisque nous proposons un rendez-vous qui est axé sur une diffusion de spectacles pluridisciplinaires. Je dis pluridisciplinaire parce que dans la danse aujourd'hui, c'est plus tout à fait que de la danse dansée. C'est de la danse, mais c'est de la parole, c'est un peu de cirque, c'est beaucoup de choses très composites que l'on ne retrouve pas très spécifiquement sous le terme danse. Et donc, c'est un pluridisciplinaire chorégraphique, pourrait-on dire. Donc, de la diffusion. Et puis, un soutien à la création, puisque collectivement, nous accueillons tous les ans une création. Et cette année, c'est un projet tout à fait magnifique parce qu'il repose sur un pied sur l'histoire de la danse, l'histoire très importante de la danse, de la musique, puisqu'il s'agit du Sacre de Stravinsky et qui s'appelle pas tout à fait le Sacre de Stravinsky cette année, c'est Sacre dièse 197, 197e version du Sacre, mais qui s'appuie sur des images qui ont été données, parce qu'il n'y avait pas de photographie à l'époque, la photographie existait, mais il n'y a pas eu de photographie du Sacre, et donc c'était des dessins dessins. Des dessins, oui. Et des gravures, des peintures, des dessins de gens qui ont vu la danse de Nijinsky, qui l'ont traduit sur des dessins. Et alors, le projet de Dominique Brun, qui est une spécialiste de cette période, a été de choisir des interprètes d'exception, genre Emmanuel Huyn, Cyril Accorsi, des gens de cette pointure, pour finalement s'appuyer sur ce que leur suggéraient ces images et de réinventer une chorégraphie à partir de cela, étant entendu qu'elle a demandé par ailleurs à un compositeur de créer une musique tout à fait originale. Avec une chanteuse aussi. Et en effet, le projet est en deux parties. Donc ça, c'est la partie 2013 et la partie 2014 sera l'œuvre complète avec le montage, en effet, cette fois de la musique de Stravinsky, les 34 ou 37 minutes de l'œuvre, avec la version connue, notée par la bande de ce qu'est cette chorégraphie. Donc là, on a décidé collectivement de soutenir ce très très beau projet, puisque, je le disais, il s'appuie sur une histoire de la danse, mais en même temps, il est un élément de modernité assez fort, puisqu'on voit bien que, comme je l'évoquais, avec l'histoire de, par exemple, des photos ou des dessins, pas des photos, mais des dessins en l'occurrence, on est en capacité de réinventer, de créer une chorégraphie d'aujourd'hui sur une base de répertoire. Et puis, le troisième élément de cet événement, c'est d'accueillir un événement. Et l'événement cette année, ça sera le Balanchine de... Non, d'ailleurs, je me suis inversé, c'est l'inverse, mais ça n'a pas d'importance, parce que les deux événements sont là. Le Balanchine de Carlotta et Caterina Sagna, qui est un jeu de mots, évidemment, sur Balanchine, puisque Balanchine était un très grand découvreur de talents russes qui a eu une importance considérable dans toute la première partie du XXe siècle. Et bal en Chine, là, c'est en trois mots. C'est comme s'il y avait un bal en Chine. Et donc, on compte sur la grande inventivité de Caterina Sagna pour nous entraîner dans des univers contemporains, mais tout à fait inconnus. Mais j'en suis sûr, puisque le spectacle est maintenant créé, totalement attractif. D'autant qu'elle est réputée pour son humour tranchant et ravageur. Et cette pièce chorégraphique pour cinq danseurs et acteurs s'attaque à la fameuse menace chinoise. On en a tous un peu le souvenir, pour balayer d'un grand revers moqueur tous les clichés sur l'envahisseur, l'ennemi, l'étranger, celui qui fait peur lorsqu'on se sent vulnérable. Ça nous resitue un peu dans notre société actuelle et contemporaine. Pour contrer, dit-on, la haine et résister à la xénophobie, un seul remède, il faut aller voir cette pièce chorégraphique Bal en Chine. Invitation faite les 16 et 17 avril à 20h30 à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy, ainsi qu'à l'Orange Bleu à Aubonne le 5 avril, le 19 avril au Théâtre Paul-Éluard à Beson. Pour la pièce Sacre dièse 197, préciser également que c'est une manière finalement de célébrer le centenaire de la création du Sacre de Printemps, qui a été chorégraphié, faut-il le dire, en 1913 par Vaslav Nijinsky sur une musique d'Igor Stravinsky. Voilà qui est dit. Et là, c'est à voir à l'Orange Bleu à Aubonne les 19 et 20 avril à 21h. Pour avoir en détail le programme d'Escaldance 2013, je vous renvoie sur le site internet à l'adresse suivante, le escaldanceenvaldoise.fr. Voilà, je crois que nous arrivons au terme de notre émission avec un petit rappel. D'abord, pour tout contact, toute information, toute réservation près de l'Apostrophe, la scène nationale, je vous renvoie au téléphone, le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14, ou bien sur internet au www.l'apostrophe.net. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également, je l'oublie alors je corrige vite, à Jérôme Letellier qui a réalisé également cette émission. Émission qui sera rediffusée samedi 16 mars de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais aussi sur radio-rgb.net. Remerciements à André-Claude Breyer, directrice du Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise. Rose, à Antoine Cobet, metteur en scène en résidence, et à Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'Apostrophe, la scène nationale, que nous aurons plaisir de retrouver le mois prochain. Enfin, pour notre prochain numéro de l'Apostrophe, je vous donne rendez-vous sur RGB le mercredi 10 avril prochain de 19 à 20 heures. Bonsoir à tous. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.